L'actrice, écrit par Justine Merriot, lu par Armen pour Audiocité.net. Je ne suis pas encore morte, je suis dans le coma. C'est ce qu'ils ont dit quand ils m'ont ramassée par terre, dans notre chambre d'hôtel en Tchéquie, où ma mère a voulu que se passe le tournage de son film sur Colette. Colette que j'incarne. Eh bien, ma petite Flavie Martignan, ce qui t'arrive cette fois, c'est vraiment grave. Te voilà dans de beaux draps, de très sales draps. Oui, enfin, façon de parler. Parce que si je me trouve bien dans des draps, en effet, au moins ceux-là sont-ils propres, et même aseptisés. De bons draps tchèques, d'un lit d'une chambre d'hôpital de Prague, où l'on m'a transportée, inconsciente, de bonne heure ce matin, suite à mon altercation avec Gontran et à ses coups qui m'ont plongée dans les ténèbres. Alors pour moi, ce sont bien de sales draps. Et dire qu'en la circonstance, j'arrive encore à plaisanter. Heureuse qu'au moins mon cerveau soit toujours actif. Mais pour combien de temps ? Franchement, ma pauvre fille, qu'est-ce qui t'a pris de quitter ton dernier mari ? Le troisième de surcroît. Séduisant, adorable et charmeur avec ça. Quasiment l'amant parfait dont toute femme rêve. Un homme, tu ne peux le nier, avec qui tu étais loin d'être malheureuse. Et avec qui, en plus, tu avais eu tes deux petits derniers ? Tes petits chéris à qui tu as, en quelque sorte, soustrait leur père à ceux-là aussi. Et puis, tu ne peux oublier l'excellent metteur en scène qu'il était également et qui te faisait souvent jouer dans ses films. Bref, il t'apportait tout ce que tu pouvais désirer. Amour, paix et sécurité. Trois choses indispensables pour l'équilibre d'une comédienne. Tu le sais parfaitement. Flavie Martignan, toute actrice reconnue que vous soyez, vous n'êtes finalement qu'une pauvre idiote, qu'une épouvantable folle. Parce que, qu'est-ce que tu pouvais demander de mieux, hein? Tout baignait professionnellement, et ta vie familiale, entourée de tous tes enfants, d'une certaine façon, demeurait un modèle de réussite. Seulement voilà, il a fallu que toi, sur un coup de tête, tu en vois tout valser. Et pourquoi, je te le demande? Pour un caprice de petite fille trop gâtée par la vie. Oui, parfaitement, très gâtée. Habituée à toujours faire plus ou moins ce qu'elle a envie, à n'en faire qu'à sa tête, et à toujours à peu près tout obtenir. Mais ça, c'est seulement maintenant que tu t'en aperçois. C'est toujours comme ça, d'ailleurs. C'est quand tout est trop tard. Mais quelle idée, vraiment, d'avoir un jour voulu rencontrer Gontran Quintin. Mon Dieu, mais quelle idée! Le chanteur fétiche du groupe Black Dream t'intriguait, hein? Son côté chanteur engagé, donnant parfois des spectacles pour les bonnes causes, t'inspirait, n'est-ce pas? Et s'il n'avait pas eu ce look-là, hein? T'aurait-il plu sans ce côté toujours juvénile, sans sa petite gueule d'ado un rien angélique? Avoue-le donc que tu en as pincé tout de suite pour ce petit mec à cause de ça. Un mec adorable, certes, mais qui s'est révélé ensuite si jaloux, si ridiculement jaloux, et surtout si dangereusement jaloux. La preuve, hélas. En plus, tu n'as pas d'excuse, puisque tu le savais. Enfin non, au début, bien sûr, je l'ignorais. Lors de la première rencontre, impossible, évidemment, de s'en apercevoir. Mais quand même, dis donc, parce qu'après, tu ne t'en étais pas rendu compte presque tout de suite, peut-être? Seulement voilà, follement amoureuse, par faiblesse, tu te l'es cachée. Trop de caractère ou pas assez, c'est bien là un de tes gros problèmes. Eh bien, ma vieille, tant pis pour toi. Maintenant, tu t'en mords les doigts. Belle métaphore, puisque pour l'instant, ils sont aussi inertes que le sont tes paupières fermées. Tout ton corps est sans vie, paralysé, Seul ton esprit travaille, reste en éveil. Mais pour tout le monde, tu es déjà considérée comme presque morte, même si, paraît-il, il subsiste encore une lueur d'espoir. Pauvre de toi, tu as vraiment fait là une belle connerie. L'amour à tout prix. Ah oui, l'amour à tout prix. Mais à quel prix? Jusqu'à en oublier ta progéniture? Quelle inconscience! Quel égoïsme! Eh bien, voilà, maintenant tu en vois le résultat. Ah, l'actrice romanesque, toujours en quête de nouveautés piquantes, et qui a fini par s'enticher d'un chanteur en vogue dont le look juvénile lui a tapé dans l'œil, dédaignant soudain tous ceux un peu plus âgés qu'elle avait fini par trouver ennuyeux. Tout ça pour garder sa jeunesse d'ado, coûte que coûte, pour montrer qu'à la quarantaine, on pouvait toujours jouer les femmes fatales en séduisant plus jeunes que soi. Le jeunisme, ce concept à la mode si important pour beaucoup, et peut-être plus encore quand on est actrice. Rester jeune le plus longtemps possible. En voulant se prouver, peut-être seulement par défi ou par jeu, qu'on continuait à plaire. Eh bien, ma chère, tu as gagné. Te voici réduite à néant, à l'état de statue ou de momie. Une gisante. La reine morte. Tiens, encore un rôle que j'aurais aimé. En quelque sorte, c'est assez drôle, même si c'est morbide, car me voici en train de le jouer malgré moi, ce rôle-là. Mais cette fois, pour de vrai. Sauf que je n'ai rien de royal et que me voici revenu au temps du cinéma muet et sans aucun spectateur. Et puis, cette fois, c'est inversé. C'est la réalité qui a pris le dessus sur la fiction. Quant à la reine, ici présente, elle n'est pas encore tout à fait morte. Tu parles d'une reine. Reine des tartes, oui. Rien qu'une idiote de gonzesse, qu'une nana qui fut beaucoup trop faible et un brin naïve. Une pauvre nana, ça oui, comme la nana du même prénom. Celle qui n'a pas eu de bol. Pas de chance, comme moi, même si j'en avais eu jusque-là. Elle aussi, j'aurais pu l'incarner. Pas de bol non plus pour Janis Joplin, qui a mal terminé également. D'ailleurs, de jouer son rôle dernièrement m'a peut-être porté la poisse, qui sait? Parce que c'est tout de même un peu à cause d'elle si j'en suis là. Avec ces quatre mots affichés sur l'écran de mon téléphone, merci ma petite Janis. Mais aussi, pourquoi mon ex m'a-t-il adressé ce message sur mon mobile? C'était sympa, c'est sûr. Mais si malvenu en la circonstance. Si encore il s'était borné à de simples félicitations sur ma prestation dans son film. Oui, bon, mais franchement, comment aurait-il pu se douter de ce qu'il allait provoquer? Et puis, tout de même, si l'on ne peut plus parler à ceux qu'on aime, si l'on doit toujours être sur le qui-vive à cause de la jalousie de l'autre, ce n'est plus une vie, ça devient infernal. Ce n'est vraiment pas normal de ne plus pouvoir converser avec ses ex parce qu'on a refait sa vie avec un autre. Il y a toujours des choses à régler avec les anciens, ne serait-ce que par rapport aux enfants qu'on a eus ensemble. Bien sûr, c'est évident, et Gontran aurait dû le comprendre. D'autant que lui-même a toujours une femme et des enfants. Oui, seulement, même si c'est vrai, maintenant c'est malin. J'ai été prise à mon propre piège. Mais aussi, je les aimais tant, tous ces petits messages reçus sur mon téléphone. C'était tellement agréable, ça me faisait tellement de bien. J'ai toujours eu besoin de sentir qu'on pensait à moi, qu'on ne m'oubliait pas. Cependant, c'est vrai, je le reconnais, j'en usais et abusais avec tous un peu trop. À la longue, ça a dû irriter Gontran. Mais franchement, je ne vois pas comment j'aurais pu imaginer à quel point ça pouvait se révéler dangereux. Toujours est-il que des héroïnes, à présent, il est fort possible que je ne puisse plus jamais en incarner. Colette, tu seras peut-être ma toute dernière, avec mes excuses, et surtout mon immense regret, si je ne parviens pas à aller jusqu'au bout de ton interprétation. Mesdames, vous toutes que j'ai représentées à l'écran, j'espère l'avoir exprimée le mieux possible. Je souhaite vous avoir fait honneur, vous priant de ne pas m'en vouloir si vous estimez que j'ai mal joué mon rôle vous concernant. Et je vous demande d'accueillir avec clémence votre humble servante, si par malheur j'arrive bientôt là-haut. Ce que je redoute, tellement j'ai à cœur de terminer le rôle de Colette, je me sens si proche d'elle. Mon Dieu, si jamais je quitte ce monde, c'est maman qui sera malheureuse. Pauvre maman. Parce qu'en plus du fait qu'on s'adore, elle et moi, qu'on se comprend toujours et qu'on se complète, comme d'habitude, elle s'est donné tellement de mal depuis qu'on est ici. Adaptation de la vie de Colette, choix du lieu de tournage, mise en scène, prise de vue, etc. Travailler avec ma mère est vraiment formidable. Toujours à mes petits soins, à mon écoute. Elle me connaît si bien. Impossible pour moi d'avoir meilleur metteur en scène. Et bien sûr, pour elle, je serai toujours la meilleure interprète pour incarner les rôles féminins. Ma pauvre maman, que va-t-elle devenir si je disparais? Et mon père, avec lequel j'ai joué dans plusieurs films, n'en parlons même pas. Si je pouvais pleurer, j'en pleurerais. Peut-être que je pleure d'ailleurs. Je ne sais pas. Je vois tout à part moi-même. Il m'est donc impossible de voir si des larmes coulent sur mes joues, d'autant que je ne sens plus rien. Difficile de comprendre ce qui m'arrive. Je ne sais même plus qui je suis vraiment devenue. Sauf qu'à présent, je me doute que je suis foutue. J'en ai bien peur, puisque je suis tombée dans ce coma profond. Ça, c'est une chose dont je suis consciente, très curieusement. C'est très bizarre de se savoir inerte et ne pouvant plus bouger quoi que ce soit, de savoir ses paupières closes, mais de pouvoir quand même tout distinguer et entendre et d'avoir des pensées plein la tête. J'ai cette sensation que mon corps ne vit plus et que seul l'esprit domine. Si la mort est ainsi, ce n'est pas désagréable du tout. Ce que je ne sais pas, c'est si je vais sortir de ce coma tôt ou tard. Et si j'étais déjà morte? Non, je ne crois pas. La mort, c'est sûrement différent. Et Gontran, où en suis-je avec lui, là, maintenant? D'abord, que fait-il en ce moment? Pense-t-il seulement à moi? Pleure-t-il? Est-il malade de chagrin? Regrette-t-il ce qu'il a fait, ses gestes de démence? Je n'en sais rien. Mais je peux l'imaginer dans sa cellule, allongé sur un lit sans doute dur et étroit, sanglotant, complètement effondré à l'idée que je puisse mourir. Tout de même, je pense que c'est ainsi qu'il doit être, apeuré et repenti, tremblant à l'idée de ne plus jamais me revoir par sa faute, effrayé sans doute de la réaction que je pourrais avoir si j'en sors. J'essaie aussi d'imaginer son attitude lorsque les policiers tchèques l'ont emmené. Je pense qu'il devait avoir la tête basse et rentrer dans les épaules, l'air totalement égaré, le dos voûté, la démarche lourde et hésitante. Un homme qui ne devait plus ressembler à Gontran, mais à quelqu'un d'autre qui me serait inconnu. Et dire qu'avant que je sois transportée à l'hôpital, il était parti dormir dans la chambre de notre hôtel, comme si rien ne s'était passé. Alors que j'étais étendue à terre suite au coup qu'il venait de me porter, au lieu de s'inquiéter, je suppose qu'il s'était jeté sur le lit comme une masse après avoir sans doute absorbé des somnifères ou des calmants. Il n'avait pas semblé s'être aperçu de l'état dans lequel il m'avait mise en me frappant sauvagement. Ce n'est qu'au bout d'un long moment, il s'était réveillé heureusement, qu'il a paru réaliser que je n'avais pas bougé, que j'étais toujours au même endroit. Cette fois, il a sûrement dû trouver ça curieux. Et quand il a vu que je ne me relevais pas, que je ne lui répondais rien, il a commencé à s'affoler un peu et m'a alors soulevée et mise dans notre lit. Que pouvait-il bien penser à ce moment-là? que je n'étais qu'endormie. Puis il s'est mis à téléphoner à diverses personnes en France, des copains à lui, des musiciens de son groupe, je crois. Ils ont dû le trouver étrange, car ce qu'il leur racontait était incohérent. Il n'osait pas leur dire la vérité, ou ne savait comment aborder la chose, il me semble. Ils ont dû penser qu'il avait bu et fumé un joint. Ensuite, il s'est tout de même décidé à appeler quelqu'un de ma famille, en l'occurrence mon frère. Pourquoi lui? Ça, je n'en sais rien. Sans doute parce qu'il n'osait pas appeler ma mère, surtout à une heure aussi matinale, et qu'à part elle, en Tchéquie, il n'avait que lui sous la main. Lui parler de ce qui venait de se passer le soulagerait, j'imagine. Il devait avoir besoin d'une oreille amie pour s'expliquer et tenter de se disculper. En fait, il prenait les devants. Car je suis presque sûre que, plus ou moins consciemment, il se doutait qu'il venait de commettre quelque chose de grave. La preuve, c'est qu'il a demandé à mon frère de rappliquer sur le champ le plus vite possible. Ceci avec une telle insistance que j'avais pu percevoir une certaine angoisse dans sa voix. Et dire que lorsque mon frère est arrivé, il a tout d'abord cru lui aussi que je dormais. Lui, c'était normal, il n'était pas au courant de la situation. Mais Gontran, quand même, pensait-il réellement que je n'étais toujours qu'endormie? J'ai du mal à le croire. N'avait-il pas enfin compris que je m'étais évanouie suite à ses coups? Un évanouissement dont je ne parvenais plus à sortir. Ce que j'ai trouvé le plus horrible, c'est que les deux hommes discutaient tranquillement sans se préoccuper de mon sort, sans se poser de questions. Ils ont ainsi parlé durant une heure sans plus se soucier de moi. Et c'est vraiment trop bête. Parce que si l'un d'eux avait immédiatement appelé un médecin, ou encore s'il m'avait emmené directement à l'hôpital, peut-être ne serais-je pas entrée dans un coma aussi profond et aurais-je pu revenir à moi, puisqu'on m'aurait tout de suite soignée. Mais quand tout s'en mêle... J'ai toujours cru au destin et qu'on avait une destinée à laquelle il était impossible d'échapper, quoi qu'on fasse. Mon destin vient hélas de me rattraper et il est plutôt sombre. Ce qui m'amène à me demander si j'en veux à Gontran et jusqu'à quel point. Une question que je ne devrais d'ailleurs même pas me poser. Car oui, bien sûr que je lui en veux, terriblement. Comment pourrait-il en être autrement? Parce que, sans que je m'y attende, je l'ai vu soudain devenir totalement incontrôlable. Il ne maîtrisait plus ses pulsions. Il n'avait plus aucun self-control. Hors de lui, il s'est jeté sur moi sans que je comprenne ce qui m'arrivait et donc sans que je puisse me défendre. Comment lui pardonner alors que c'est de sa faute si j'en suis rendue là? J'ignore ce qui lui est passé par la tête. Pourtant, c'est loin d'être une brute. D'ailleurs, si c'était le cas, moi la féministe, je n'aurais jamais pu vivre avec lui, certes non. Je n'y comprends vraiment rien. Pourquoi cette irrépressible colère? Pourquoi ne s'est-il pas retenu, ne serait-ce que par amour pour moi, puisqu'il disait m'aimer? Oui, pourquoi alors ne l'a-t-il pu? Ce n'était pourtant pas la première fois qu'il s'énervait au cours de nos discussions, quand parfois nous n'étions pas d'accord. Mais à chaque fois, il se calmait. C'est invraisemblable, tellement ça lui ressemble peu. Il est vrai cependant qu'il n'était pas dans son état normal, c'est une évidence. Sinon, il ne m'aurait jamais fait ça. Sans doute avait-il dû dépasser sa dose habituelle d'alcool et de stupéfiants. Ceux chez qui on avait passé la soirée y sont certainement pour quelque chose. Ils ont dû s'amuser à en rajouter à son insu. Je ne me suis douté de rien. Je n'ai rien remarqué, rien vu. Il est vrai que moi-même, j'étais quelque peu éméché. Mais de toute façon, ça n'aurait sans doute pas changé grand-chose. Je n'aurais sûrement rien pu empêcher. Dans le fond, je ne crois pas que je lui en veuille totalement, tout compte fait. Car même si une partie de moi lui en veut, certes, terriblement, L'autre lui octroie malgré tout quelques circonstances atténuantes. Parce que, comme moi, il est avant tout victime de sa passion, de notre passion commune l'un pour l'autre. Une passion intense, débordante, dévorante. Sauf que moi, je suis forte, je l'ai toujours été. Je suis une battante et même une combattante. Gontran est sans doute plus faible malgré les apparences. J'ai d'ailleurs souvent remarqué que ce sont les plus faibles qui frappent. Une façon pour eux de cacher leur faiblesse en se voulant les plus forts lorsque certaines situations leur échappent et qu'ils perdent pied. Ils ne savent pas comment faire autrement, ils en sont incapables. Frapper, crier n'est bien souvent qu'une façon d'exprimer un certain désespoir, et c'est, hélas, ce qui s'est produit cette nuit-là dans notre chambre d'hôtel. Nous nous sommes querellés à propos de nos ex, le ton est monté. Moi, d'habitude plutôt cool, à force d'essayer d'apaiser Gontran sans succès, j'ai fini par perdre mon sang-froid. J'avais eu une journée éprouvante sur le tournage et j'étais exténuée. Comme lui, j'avais un peu trop bu à la soirée d'où nous revenions et le jour commençait à poindre. Je n'aspirais plus qu'au calme. Alors, de plus en plus agacée par son attitude, que je jugeais stupide et inutile, j'ai perdu patience et il me semble que j'ai esquissé un geste nerveux de la main vers son visage. Juste une esquisse de gifle qu'il a à peine frôlée, je pense. Je faisais seulement semblant, c'était pour le faire taire. Est-ce cela qui a tout déclenché ensuite? Cette immense fureur qui lui a d'abord fait casser plusieurs objets se trouvant sous sa main et qui s'est soudain déchaînée contre moi? Moi qu'il disait aimer comme aucune autre auparavant, jusqu'à me mettre KO en me projetant au sol et à m'y laisser sans même revenir voir pourquoi je ne bougeais plus. Je dois dire que c'est surtout ça qui me peine atrocement, qui me fait le plus mal. Plus que les coups reçus, c'est cette sorte de désintérêt soudain envers moi en me plantant là après m'avoir frappé. Plus j'y réfléchis et moins je comprends. Et pourtant, c'est certain, c'est même une évidence, et ça, je voudrais pouvoir le crier au monde entier, on s'est tellement aimé, Gontran et moi. C'était tellement beau, tellement fort, tellement puissant, d'un amour fou, exclusif, possessif, une folle passion. Oui, c'est sûr, mais qui m'avait apporté quoi au final? Eh bien, je le confesse, de ne pas être aussi heureuse et épanouie avec lui que je l'aurais pensé. Avec le recul, je suis bien obligée de le reconnaître. Et d'autant plus que maintenant, la finalité de cette passion sera peut-être ma mort. Je vais peut-être en mourir, et ce ne sera même pas de plaisir, hélas. Je n'aurai même pas cette dernière joie. C'est dommage, parce que ça aurait été bien romantique. Et moi, le romantisme, j'ai toujours adoré ça. Roméo et Juliette, par exemple, pour prendre le cas le plus typique. Mais il est vrai que si Gontran s'était comporté comme le héros shakespearien, je n'en serais évidemment pas là. Dommage, car pour une comédienne, quelle belle fin que celle-ci. N'empêche que j'aurais bien aimé qu'il fasse comme Roméo lorsqu'il a réalisé que je ne revenais pas à moi. Bon, c'est vrai que lui me croyait seulement endormie. Oui, enfin, au début sans doute. Mais après, tout de même. De toute façon, je n'aurais pas supporté de le trouver allongé sans vie à mes côtés au cas où je n'aurais plus été dans le coma. Et là, peut-être bien que j'aurais été fichue de me tuer, moi aussi. Quand je pense qu'au début je croyais Gontran doux et calme en toutes circonstances, jamais je n'aurais pensé qu'il y avait en lui autant de violence contenue. Car même si ce soir-là, il avait trop abusé des drogues et alcool, encore une fois, ce n'était pas nouveau. Résultat, ces quatre gifles devenues des coups de poing lancés à toute volée par une main qui ne se contrôlait plus. Une main aux doigts sensibles et délicats qui pourtant ne donnait que des caresses et qui savait si bien m'amener aux plaisirs les plus subtils. La veille encore. Oui, quatre gifles transformés en véritables coups de poing, parce qu'il semblerait bien que sa main se soit refermée petit à petit pour finir par devenir son poing. Inconsciemment ? Inconsciemment ou non, une gifle peut être pardonnable, mais un coup de poing contre une femme, c'est inadmissible. Toujours est-il donc que, projeté en arrière, je suis tombé lourdement à terre sous le choc. Je crois même que ma tête a heurté quelque chose. Tandis qu'en même temps, les bagues portées par Gontran m'atteignaient cruellement au nez et à l'arcade sourcilière, ce qui a eu pour effet immédiat de me réduire aussitôt à néant, jusqu'à me plonger dans ces ténèbres, pas vraiment désagréables pour l'instant, Dieu merci, mais dont je me demande si l'on n'en revient jamais. Serait-il possible que j'en revienne un jour ? Malgré tout, je continue à penser que Gontran ne s'est pas vraiment rendu compte de sa force, laquelle était décuplée par son état. Parce que, des gifles, depuis qu'on s'était mis ensemble, j'en avais déjà reçu, je l'avoue. Oh, pas bien méchante, de simples petites gifles. Plutôt des gestes d'énervement qui m'effleuraient à peine et qui ne me les faisaient pas vraiment prendre au sérieux. Mais quand même... La première fois, lorsqu'il avait soudain commencé, je m'en étais trouvée surprise. J'avais d'abord été étonnée, puis légèrement inquiète, et ensuite un peu déçue. On ne pouvait pas dire que ça me plaisait, et je m'en plaignais à chaque fois. Je n'avais pas du tout envie que ce soit une habitude et que ça aille crescendo. En fait, c'est à partir de là que quelque chose a légèrement changé dans notre relation. Même si je voulais continuer à faire confiance à Gontran, j'étais devenue méfiante, un rien angoissée, et restais sur mes gardes. Surtout les derniers temps, car justement ça allait en s'accentuant. Mon bonheur m'était soudain apparu un peu moins idéal. J'avais tellement entendu parler des femmes battues. Déjà par mon amie Cléo. Elle, la pauvre, elle en savait quelque chose. Elle avait eu son compte. Et justement, il paraît que ça commençait souvent comme ça. Une petite gifle de rien. Mais, bien sûr, j'ai préféré ne pas en tenir compte. J'ai voulu tout supporter, coûte que coûte, pensant que par amour pour moi, Gontran finirait par cesser. J'ai préféré tout occulter et me mentir, parce qu'alors follement amoureuse, et même dingue de lui au début. Oui, au début. Mais j'en parle maintenant au passé, puisque tout a changé malheureusement. De toute façon, ai-je encore un avenir? Combien de temps mon coma va-t-il encore durer? Combien de temps ai-je encore à stagner dans ce no man's land? Si seulement je pouvais savoir. Certains comas durent des jours, des mois, des années. J'espère que si j'y reste pendant des mois, ma famille ne me débranchera pas avant d'être sûre qu'on me considère comme réellement perdue. Mais je ne crois pas. Mes parents m'aiment trop. Ils attendront le plus longtemps possible. Et pour l'instant, force m'est d'attendre moi aussi. Attendre ce qu'il adviendra de moi dans les prochains jours, comme d'ailleurs attendent tous ceux qui m'entourent. Bizarrement, moi qui d'habitude suis toujours impatiente, prête à entreprendre des tas de choses, à toujours bouger, à ne pas pouvoir tenir en place, là ça ne me gêne pourtant pas. De toute façon, comme je suis momifiée, je ne peux rien faire d'autre. Encore heureux que je continue à ne rien ressentir physiquement. Je pense que ce doit être un peu ça, l'hibernation. Malgré tout, mon souhait le plus cher, le plus impératif, c'est que je puisse enfin sortir de cet état quelque peu surnaturel et que ce ne soit trop long. Ceci dit, revenons-en à notre si belle histoire d'amour à Gontran et moi. Avant ce drame, où en était-elle vraiment? C'est certain que je ne sais plus trop quoi en penser à présent. Je dois continuer d'y réfléchir. Déjà, pourquoi Gontran réagissait-il aussi mal à chaque fois que mon ex m'envoyait un simple texto, ou quand c'était moi qui lui en envoyais un? J'en avais d'ailleurs profité pour lui demander qu'à son tour sa femme cesse de lui téléphoner et lui adresse plutôt elle aussi des textos, parce que tout de même, chaque coup de fil reçu gênait davantage notre intimité que de simples messages sur un petit écran. Et puis, il n'y avait pas de raison, il fallait que ce soit équitable. Et donc, ce serait suite à ce dernier texto envoyé par mon ex qu'il aurait subitement vu rouge? Non, impossible. Non, tout de même, ce serait trop invraisemblable, trop démesuré. Même après une soirée un peu trop arrosée, même avec un mélange de quelques stupéfiants. Car certains soirs, je ne le redirai jamais assez, il s'était déjà trouvé dans ce genre d'état pendant que nous nous querellions. Du reste, toujours sur les mêmes sujets, sans pour autant... Vraiment, plus j'y pense et plus j'ai du mal à comprendre sa réaction. C'est pourquoi, même si j'essaie de lui trouver quelques circonstances atténuantes, dont mon esquisse de gifle, je ne peux que lui en vouloir de m'avoir mise dans un état pareil. Si bien que je suis à présent certaine qu'il me sera totalement impossible de pouvoir lui pardonner, en admettant qu'un jour je sorte de mon coma. Lui avoir pardonné les autres fois pour de simples petites gifles passe encore. Quoiqu'en y repensant, je réalise que c'était un peu comme l'y avoir encouragé, et que c'est sans doute et même sûrement la conséquence de ce qu'il vient de me faire. J'aurais dû réagir. J'ai été vraiment trop faible. Et cette fois-ci, c'est celle de trop. Maintenant qu'il m'a brutalisée à ce point, il recommencerait certainement. C'est donc impardonnable. Ma mère, elle, à côté de ça, n'a jamais été dupe. Elle avait tout de suite deviné et décelé bien des points obscurs chez Gontran. Elle a toujours été intuitive, perspicace. Chère maman, elle a tellement de chagrin à présent et ne fait que pleurer. Quant à mon père, n'en parlons pas. Lorsqu'ils ont été prévenus et qu'il est arrivé de France avec elle, il s'est littéralement effondré en me voyant dans mon lit d'hôpital, inerte, sans vie apparente et, je suppose, pâle comme la mort. Bien sûr, je m'y attendais et savais qu'en me voyant, ils auraient à chaque fois les mêmes réactions. Mais je ne pouvais que les regarder souffrir, hélas. Je les aime tellement que rien que pour eux, je voudrais sortir du coma le plus vite possible et me jeter dans leurs bras. En ces circonstances, je sais que rien d'autre ne pourrait leur faire davantage plaisir. Et pourtant, je le reconnais une fois encore. Si étrange qu'il y paraisse, ma nouvelle situation ne me déplaît pas vraiment, parce que je me trouve dans un état second, irréel, où plus aucune sensation n'existe. J'imagine un peu comme dans une espèce de cocon où il ne ferait ni froid ni chaud et d'où toute peur, toute souffrance serait bannie. J'ai l'impression de n'exister qu'en rêve, dans une sorte de rêve extraordinaire dont je suis la seule héroïne. Un rêve magique, puisque durant celui-ci je peux voir et entendre les autres, même s'il m'est impossible de me manifester. Personne ne le sait, et c'est parfait ainsi. En tout cas, c'est pratique. Je n'ai plus à prendre parti, j'ai juste à écouter. Bien que ne pas pouvoir poser de questions sur mon sort me manque forcément beaucoup. Ce qui fait que, par force, j'ai un nouveau rôle que je n'aurais pas aimé avoir, celui de voyeuse. Mais là, voyeuse sans être ni paraître indiscrète, et ça change tout. Heureuse que pour l'instant mon esprit continue d'exister et d'être alerte malgré ce corps sans vie apparente. Me retrouver dans la peau d'une comateuse me donne l'impression d'être dans une sorte de bien-être et d'apaisement total jusqu'alors inconnu. Perdu dans mes pensées, il me semble soudain être injuste, comme si je reniais mon passé et préférais être dans le coma. Non, ce n'est pas le cas, bien sûr. Cependant, c'est quand même ce coma qui m'a permis de revisiter mon passé et d'y voir clair. Et puis, ce coma, ce n'est pas moi qui l'ai voulu. Le problème, c'est que si j'en sors, je n'ignore pas qu'il soit possible que je ne me souvienne plus de rien. Plus de ce qui s'est passé en dernier, mis à part peut-être la scène du drame avec Gontran, puisque c'était avant que je ne m'effondre. Si encore j'arrive à m'en souvenir totalement. Mais sans doute pas de mon état actuel de comateuse pleinement consciente. C'est du moins ce que j'ai toujours entendu dire par tous ceux qui en sont revenus un jour, dont certains se souviennent seulement être sortis de leur corps, qu'ils voyaient au-dessous d'eux, et d'avoir été ensuite comme attirés par une lumière intense et aveuglante, provenant d'une sorte de tunnel vers lequel ils montaient. Ce genre de témoignage m'a toujours fasciné. Est-ce que c'est ce qui m'attend? À moins encore que si j'émerge de mon coma, j'en ressorte totalement amnésique. Là, malheureusement, je ne me souviendrai plus de rien du tout. Ce qui pourrait aussi bien m'arriver, l'amnésie faisant partie des séquelles possibles du coma. Avec la paralysie. Mon Dieu, pourvu que non. Quelle horreur! Dans ce cas, je préfère encore mourir. Pour en revenir à mes parents, depuis le jour où je suis partie vivre avec Gontran, maman surtout, c'est vrai, a toujours eu peur pour moi, tant elle voyait d'un mauvais œil ma relation avec lui. Elle ne lui faisait pas du tout confiance et je m'en étais aperçue, d'autant plus qu'elle s'en était encore mieux rendue compte ici, dans ce pays. Elle voyait bien lorsque j'arrivais sur le plateau de tournage que je n'étais pas comme d'habitude, que ça n'avait pas toujours l'air de tourner rond. Elle me connaît par cœur. Elle sait tout de suite saisir si ça va ou non pour sa fille. Mais par pudeur et fierté, je n'ai jamais rien voulu avouer. Et comme maman est discrète, elle n'insistait pas non plus. D'ailleurs, à vrai dire, je n'étais pas vraiment malheureuse. Mais je me demandais quand même quelle tournure allait bien pouvoir prendre les événements, car il est vrai que la situation m'avait échappé et que je ne parvenais plus à la maîtriser. Je n'aimais pas ça du tout. J'étais habituée au contraire. La soumission n'était pas pour moi, et en tout cas n'aurait pu devenir possible qu'en cas de force majeure et parce qu'il n'y aurait eu aucune autre solution. Juste avant le drame, j'étais devenue plus ou moins consciente qu'entre Gontran et moi quelque chose n'allait plus. Et avec le recul que même au tout début, rien n'avait jamais été comme il aurait fallu, malgré tout notre amour. Son éternelle jalousie vis-à-vis de ma vie d'avant avait fini par me peser de plus en plus. Il s'en était d'ailleurs aperçu sans que je ne lui en touche un mot. Mais il ne faisait aucun effort pour y changer quelque chose, et intérieurement je commençais à n'en plus pouvoir, à lui en vouloir malgré moi. Au début, bien sûr, j'avais été plutôt flattée. Un homme qui se montre jaloux est forcément très amoureux. Mais il y a jalousie et jalousie, et la sienne était devenue trop répétitive, surtout sans motif valable. Une jalousie maladive, c'était lassant. Pourtant, jusqu'à ce jour fatidique, pour ne pas envenimer la situation, je m'étais toujours astreinte à ne pas lui faire le moindre reproche, sauf en le taquinant gentiment. Et puis, de toute manière, j'ai toujours eu horreur de me plaindre et de geindre. Alors j'ai continué à faire comme si de rien n'était. Après tout, c'était mon nouveau mec, et j'avais jeté mon dévolu sur lui. Il me plaisait infiniment, et lui-même m'aimait à la folie. À la folie. Oui, c'est bien ça, à la folie. D'ailleurs, après ce qui vient de se passer, aimer à la folie prend maintenant pour nous deux tout son sens. Force m'est donc de conclure que s'aimer moins fougueusement, moins passionnément est beaucoup plus sage. Disons, serait bien plus raisonnable, certes, mais la passion est irraisonnée et c'est bien ce qui lui donne tout son attrait, tout son piquant. J'ai toujours été une passionnée. Sans passion, la vie me semblerait trop fade. Et puis, un amour qui ne serait pas passionné aurait-il autant d'intérêt qu'un amour ordinaire? Pour moi, ce serait plat et sans saveur. Tout ce qui est intense est forcément plus attrayant. Une autre chose me préoccupe maintenant, à laquelle je n'avais pas songé. Je me demande si ce n'est pas avant tout par jalousie que Gontran m'a finalement accompagné en Tchéquie. Il est vrai que je l'en avais supplié. Cependant, j'ignore si ce n'est pas surtout pour ça qu'il a fini par accepter. Quand je pense qu'il venait me chercher chaque soir à la fin du tournage, lorsqu'il ne passait pas à l'improviste pour me voir jouer, peut-être pour me surveiller ? Et moi, aux anges, qui ne voyais là que les agissements d'un amoureux transi. Mais qu'aurait pu demander de plus une femme très amoureuse, n'est-ce pas ? Aussi, même à sa jalousie quasi maladive, je me complaisais alors à trouver des circonstances atténuantes. N'était-ce donc pas là, continuai-je à penser, la preuve irréfutable de son immense amour pour moi ? Orgueil, quand tu nous tiens. Et puis, c'était tellement flatteur, à la quarantaine, de se faire courtiser par un homme un peu plus jeune, si rassurant surtout pour une comédienne. Car dans le métier, on redoute toujours de vieillir. On appréhende la vieillesse, souvent synonyme de déclin et donc de fin de carrière. Ce qui ne sera peut-être pas mon cas, si hélas je finis par quitter cette terre. Dire que c'est maintenant que je comprends enfin la bêtise de trop que j'ai commise en m'amourachant de Gontran. Il a fallu que je me retrouve dans cet état pour m'en apercevoir. Oui, en effet, c'est une sacrée bêtise. Et je ne peux que m'en vouloir d'avoir autant insisté pour qu'il m'accompagne à Prague. Au départ, il n'était pas très chaud, et si j'avais eu le courage de partir sans lui, rien de tout ça ne serait arrivé. Mais j'étais tellement éprise qu'il m'était alors impensable de me séparer de lui. Impossible que je puisse me raisonner. Moi, la femme forte, j'étais devenue faible, comme toujours au début d'une nouvelle romance. Mais c'est vrai qu'à l'idée de rester longtemps hors de France sans lui, je ressentais déjà une certaine angoisse. Son absence m'aurait trop pesé. Cette éventualité m'était trop cruelle. C'était comme s'il me manquait déjà. Nous avions beaucoup de mal à nous passer l'un de l'autre, et j'étais persuadée qu'être constamment ensemble était essentiel pour nous deux. Du moins, le pensais-je alors. Avec le recul, je me rends compte que c'était surtout égoïste de ma part, que c'était un caprice de plus. J'ai toujours obtenu ce que je voulais avec les hommes. Je ne concevais donc pas que Gontran puisse ne pas accéder à mes désirs. À présent que j'ai réfléchi à tout ça, comme je sais que ma vie ne tient qu'à un fil et qu'elle a de fortes chances de basculer vers la mort, je me pose à nouveau cette question. Qu'ai-je donc voulu trouver d'autre ailleurs, en l'occurrence avec Gontran, puisque j'avais déjà tout? Mais avais-je vraiment tout? Avec mon dernier mari et mes 4 enfants, oui, certainement. Mais toujours cette envie de renouveau qui me reprenait dès qu'il me semblait que c'était devenu moins bien, que ce n'était plus qu'une simple routine. Et je le redis, toute fadeur m'ennuie. Je n'ai toujours aimé que ce qui enivre, avec, et c'était plus fort que moi, cette autre envie de demeurer une éternelle adolescente. Mon esprit romanesque, romantique, mon goût du merveilleux, de l'absolu, prenait à chaque fois le dessus. Mais cette fois-ci, hélas, Ils viennent de me jouer un bien sale tour, et j'ai peur que ce ne soit le dernier, parce que c'est de loin le plus mauvais. Et tout ça, finalement, pour deux petits textos de trop. Le mien et celui de mon ex. Oui, une fois encore, je l'avoue, j'adorais en envoyer tous azimuts à ceux qui m'étaient chers. C'était devenu un jeu, comme une sorte de drogue. Et puis, c'est si amusant et si pratique. D'ailleurs, même Gontran, c'est de cette façon que je l'ai d'abord connu alors que je vivais avec mon mari. Un jour de spleen, je m'étais sentie un peu délaissée, tout le monde était parti et je me trouvais seule à la maison. Sur une impulsion, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai envoyé un message à Gontran. Je ne sais pas comment j'en ai trouvé l'audace, moi qui suis d'un naturel plutôt réservé. Quoique, lorsque je voulais vraiment quelque chose, je n'avais plus peur de rien. Depuis que je l'avais vu chanter sur scène, l'image de Gontran était restée gravée dans mon esprit. Comme ça, tout naturellement. Il faut dire que lorsque j'étais allée le voir dans sa loge, lui-même ne s'était pas gêné pour me montrer que je lui plaisais. Même mon amie Cléo, qui m'accompagnait ce jour-là, s'en était aperçue. Elle s'était écriée avec sa franchise habituelle, son franc-parler et l'impétuosité qu'on lui connaît. « Eh ben, dis donc, t'as vraiment fait une touche avec le chanteur. T'as un méchant ticket. Il est très mignon. Il te plaît ?» Pourquoi m'a-t-il plu à ce point? Je n'en sais rien. Allez savoir, je suis ainsi depuis toujours, instinctive, impulsive. Je me passionnais pour ceci ou cela, pour celui-ci ou celle-là. Je marchais au coup de cœur. C'était comme ça, je n'y pouvais rien. Peut-on changer son moi profond, ce qui fait la personnalité de chacun? Aurais-je été l'actrice que je suis sans cela? Gontran avait un style qui, quelque part, me touchait, qui m'attirait. J'aimais ce genre d'homme et semblait lui faire beaucoup d'effet. Il est plus jeune que moi. C'est vrai que j'en étais fière. Je n'ai pas pu résister. J'aurais dû lutter. Oui, j'aurais dû. Mais cette espèce de jeu était excitant. Et puis, à quoi bon le penser maintenant, puisque le mal est fait et que plus rien ne pourra jamais être pareil? Mon seul espoir, pour l'instant, c'est que je puisse sortir au plus vite de mes limbes. Ensuite, on verra bien. Voici que le jour commence à se lever. L'infirmière et le médecin vont bientôt venir à mon chevet, suivis par mes chers parents qui vont accourir peu après. Je vais encore les voir pleurer, les pauvres. Mon père va de nouveau me fixer éperdument, intensément, et comme toujours avec les yeux noyés de larmes qu'il laissera couler. Son beau visage sera encore tout déformé par un rictus de douleur et de désespoir que je ne lui avais vu jusqu'alors que dans certains de ses films. Je ne vais plus le reconnaître, lui non plus, comme à chacune de ses visites. Et de le voir ainsi, ma mère se remettra à sangloter davantage. Et moi, je serai là, impuissante, à les regarder souffrir, comme d'habitude. Car aujourd'hui, c'est le grand jour, le jour où tout va changer pour moi. Parce que je sais, pour l'avoir entendu, qu'on va me préparer dans le but de me rapatrier en France. Mon corps inerte sera d'abord bien enveloppé et ensuite glissé dans un sac étanche, puis il sera sanglé comme il faut sur un brancard, après quoi on le déposera dans un véhicule qui roulera jusqu'à l'aéroport. Et à l'aéroport, on me transférera dans l'avion en partance pour la France. Avion dans lequel mes parents, emplis d'une angoisse extrême, seront bien sûr présents. Et en avant, la presque morte. On donne une dernière chance à la momie. Je suis devenu un poids qu'on ne veut pas encore considérer comme mort, qui pose problème et dont on ne sait plus que faire, sauf tenter désespérément de sauver. C'est pourquoi mes parents ont décidé de me ramener en France avec eux. Ils préfèrent que ce soit un chirurgien français qui s'occupe de mon cas. Ils ont raison. on n'est jamais aussi bien que chez soi. Et puis, étant donné mon état de momie, qui peut-être, avec un peu de chance, ressuscitera, autant que je sois sur place. Comme ça, j'aurai au moins ma famille autour de moi. Mes enfants pourront venir me voir à la clinique. Il est vrai qu'à présent, on n'a plus rien à faire ici. La seule chose qui est vraiment dommage et que je regrette, c'est que j'aurais tellement aimé finir le tournage de Colette. Si jamais je meurs, il faudra que maman me trouve une remplaçante. Malgré tout, je suis très contente de quitter la Tchéquie. Elle ne m'a pas porté chance, c'est le moins qu'on puisse dire. D'une certaine façon, à Gontran non plus. Notre couple ne sera venu ici que pour s'y briser. Et voilà que je rentre au pays alors que Gontran reste là. Lui qui avait hésité à venir me rejoindre à Prague est obligé d'y rester. Quelle dérision! Avec cette autre dérision, la séparation à laquelle nous voulions toujours échapper est quand même survenue. Et c'est bien la pire. Je me demande comment sont les prisons en Tchéquie. Sont-elles vétustes? Les prisonniers y sont-ils bien traités? Mon bel ange, devenu démon l'espace d'un instant, va sûrement en baver dorénavant. Pauvre Gontran, quelle triste fin pour lui aussi. Mais je ne vais tout de même pas le plaindre. Tout est de sa faute, et contrairement à moi, il ne risque pas la mort. Cette fois, ça y est, la belle endormie est arrivée en France, à Paris, ou plus exactement à Neuilly. J'ai tout de suite été transportée jusqu'à la clinique dans laquelle opère le plus éminent chirurgien. Choisie par mes parents afin qu'ils pratiquent sur moi l'opération de la dernière chance, ainsi que je l'ai entendu dire. Je n'emmène pas large, mon sort est entre ses mains. On vient justement de me préparer pour cette opération, et me voici sur un chariot poussé par une infirmière le long d'un couloir qui me paraît interminable. Puis une porte s'ouvre et se referme derrière moi. Du chariot, on m'allonge sur la table d'opération. Pas besoin de m'endormir, je le suis déjà. Le chirurgien, tout de blanc vêtu, se penche vers moi, scalpel en main, qu'il plonge dans la chair de mon crâne. Comme d'habitude, je ne sens absolument rien. Mais alors que je me demande s'il va réussir à me sauver, si je vais enfin sortir de mes ténèbres, voici que tout à coup je me retrouve en l'air, juste au-dessus de la table d'opération. Je vois mon corps au-dessous de moi, toujours allongé sur cette table, et le chirurgien qui continue à tailler dans ma chair. Puis, brusquement, toujours en l'air, je quitte la salle et me mets à monter dans une sorte de tunnel éblouissant de lumière. Et tandis que je continue à monter toujours plus haut, moi qui ne ressentais jamais rien depuis mon coma, voici que j'éprouve un immense bien-être, une paix intérieure jamais connue auparavant. Une joie ineffable m'inonde alors d'un bonheur intense. Vais-je redescendre sur terre? Curieusement, je n'en ai à présent plus envie. Mais la montée dans cette sorte de couloir lumineux ne fait que continuer, et c'est avec surprise que j'aperçois alors au loin quelques silhouettes. Elles me font signe. Curieusement, je ne ressens aucune peur, et c'est donc sans aucune appréhension que je me décide à me rapprocher d'elles. À cet instant, je me souviens de ces récits de mort imminente racontés par des personnes ayant vécu ce que je suis en train de subir avec plaisir, et dont la plupart disaient regretter leur retour sur terre. Je savais donc que les silhouettes étaient déterminantes pour le retour ou non dans le monde des vivants. Soit on se détournait d'elles, soit on les rejoignait et on les suivait. Elles continuent toujours à me faire signe. Elles sont souriantes et une sorte d'aura bienveillante émane d'elles. Je suis conquise. Je me sens tellement bien en les contemplant, tellement rassurée, que cette fois, je suis absolument certaine de ne plus vouloir du tout retourner sur cette terre qui maintenant me fait peur. Plus rien désormais ne compte d'autre pour moi que d'entrer dans ce monde de lumière, de beauté et de paix que j'entreaperçois. C'est donc rempli d'une joie sans nom que je les rejoins. Elle me sourit, me montre le chemin lumineux, et c'est comme dans un merveilleux et irrésistible songe que spontanément je me mets à les suivre, que je pars avec elle. Mes seuls et derniers regrets, c'est d'apercevoir là, en bas, sur cette terre que je quitte, mes chers parents totalement effondrés par ma mort qui vient de leur être annoncée et dont ils auront bien du mal à se remettre. Je pense aussi et surtout à mes enfants qui n'auront plus de mère et qui vont me pleurer, ce qui m'est malgré tout très douloureux, ainsi qu'à ma famille et mes amis qui seront très affectés. Si seulement je pouvais leur dire à tous combien je suis en paix, combien je suis heureuse à présent. Si je pouvais leur crier combien cet au-delà dans lequel je m'en vais peut rendre heureux, heureux comme jamais ce n'est possible ailleurs. Et combien il peut être sublime, parce qu'incomparable avec la vie sur terre, avec tout ce que nous connaissions jusqu'à présent, nous, pauvres humains.